Tout commence un jour de neige à l'hôpital Montfermeil, près des bosquets, loin des proscrimes, de l'ambiance Cosa Nostra. Pousse, cri dans le berceau, larmes comme seul outil. Ça sent le roussi comme un morceau de Christian Rossi. Boss, mère veut l'argent, se voit finir prospère. Boss, personnage, fait perdre de l'argent. À mes 6 piges, prends le large. Ma mère devient mon père, se construit sous la menace des huissiers de justice. Vie dans la justesse, la roue tourne crève. Réajusté à la rustine, système D. À 12 ans, déménage, crèche dans une cage à poules. Bref, local à canne à pêche. Quitter la caisse pour un deux pièces dans une ville où la richesse vit. Mon humeur dans la tristesse vire. Prise de conscience, la délinquance pour équilibre. Le chemin non droit, non rectiligne. Dans la salle, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Malsain jusqu'au tombal. Banal, ça tombe, ma tanguette, pompe, dette, escompte, Babylone, bloc, c'est les cartons pour la tombe. Dans la salube, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Grappé des montagnes avec une main. Vaincu l'affront face au commun des mortels. Construit, j'ai démontré dans les fausses communautés. J'ai vu le jour au RDC, aucun blessé. Très rude, période en pleine lune. Courage illustré, ma mère frustrée. Glorieuse par l'auréole, déjà très rurale dans le ventre. Sans rente, une coutume de mon plaid très rural. Pour moi, jeune garçon, peu vivable. La spirale de l'inflation inévitable. Pris l'avion pour une vie stable. Tape pure sap à l'arrivée, pas tape dans la cape. Planque sap dans la salive. On s'avoue pas vaincu. Je t'avoue que j'avoue mal d'être vaincu. Vaincre le lutre de la crainte du déclin. Et plainte du clan inverse en masse. En temps plein, je traverse tant d'averses, mais le temps passe. L'adversité obèse dès la mi-temps. Son cœur s'apaise. Mes vers servent de glaive. La rancune en prise, il essaie de prison en fuite. Aux adversaires, je fais les vertèbres. Lugubre, destin lucratif, morbide, narcissique, mesquin. Car vente dans la salube, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Malsain jusqu'au tombal. Banal, ça tombe, ma tanguette, pompe, dette, escompte, Babylone, bloc, c'est les cartons pour la tombe. Dans la salube, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Grappé des montagnes avec une main. Vaincu l'affront face au commun des mortels. Construit, j'ai démontré dans les fausses communautaires. Je suis un nerveux, tel un nervis. J'ai pris une vie saine, mes nerfs fucutent. Sur le parvis, je persécute. J'ai vécu drogue, deal, buzz, côté face, pile, deuil, argent sale, facile, somme, star, système. J'ai vécu les jazz, la parenthèse. Le bénéfice obèse, une fils qu'opère pour mettre à l'hospice mal en terre. J'ai vécu le désaccord parental et parental. Troc, mental, fort, les keufs contrôlent que quand talement. J'ai vécu le blé, j'ai vécu les blessures, j'ai vécu côté obscur, j'ai vécu, j'ai vaincu. Ma haine comme une vermine, mauvaise graine, la traîne prime, trop de cannes, trafic, veulent nous freiner, les flics et Strauss-Kahn. J'ai vécu l'oseille, j'ai vécu la misère, j'ai vécu sans aide, j'ai vécu, j'ai vaincu. Les blêmes et la colère, nos mots blessent, restent nos modèles, voyous des temps modernes, peu modèles, mal raccommodés. Dans la salive, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Malsain jusqu'au tombal. Banal, ça tombe, ma tanguette, pompe, dette, escompte, Babylone, bloc, c'est les cartons pour la tombe. Dans la salube, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Grappé des montagnes avec une main. Vaincu l'affront face au commun des mortels. Construit, j'ai démontré dans les fausses communautaires. Dans la salube, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Malsain jusqu'au tombal. Banal, ça tombe, ma tanguette, pompe, dette, escompte, Babylone, bloc, c'est les cartons pour la tombe. Dans la salube, j'ai vécu. Sans calibre, j'ai vaincu le mal. Grappé des montagnes avec une main. Vaincu l'affront face au commun des mortels. Construit, j'ai démontré dans les fausses communautaires.